Première partie, le Maroc au XVIIe siècle, relation du sieur Mouette. Dans l'automne de 1670, un vaisseau destiné pour les îles Caraïbes, parti de Dieppe, ayant à bord plusieurs passagers au nombre desquels un sieur Mouette. À la hauteur de Madère, ce bâtiment rencontra deux navires suspects qui s'en emparèrent en un instant et le conduisirent à Salé, le chef-lieu des pirates de Maroc. Bientôt, les gens de l'équipage furent conduits au marché public et mis en vente. Les acheteurs examinaient surtout leurs mains afin de connaître la qualité de l'esclave. Un chevalier de Malte et sa mère furent vendus 1500 écus. Après avoir longtemps marchandé, un certain Marachi en donna 360 de mouettes. Il le conduisit ensuite chez lui et le présenta à sa femme, qui le traita avec bonté et lui offrit du pain, du beurre, des dattes et du miel. De son côté, Marachi le consola, l'engagea à prendre courage, le questionna sur sa famille et ses moyens de rançon. Mouette, dans l'espoir d'obtenir sa liberté à meilleur marché, déclara qu'il était sans fortune et dans l'impossibilité absolue de payer la moindre rançon. Alors Marachi lui conseilla d'écrire à sa famille, afin qu'elle obtînt la somme nécessaire par voie d'aumône. « Car si tu ne réussis pas, ajouta-t-il, je te fais enchaîner comme un chien et jeter dans un cachot. » « Cette menace m'effraya, dit Mouette. J'écrivis sur le champ à mon frère que je disais être un savetier, en le pliant d'amasser, en demandant l'aumône, 4 ou 500 écus pour payer ma rançon. Je n'avais pas du reste à me plaindre de ma condition. La mouture du grain, au moyen du moulin à bras en usage dans le pays, était mon plus rude travail. Et comme cette occupation me déplaisait, j'obtins même d'en être dispensé et n'eus plus rien à faire que de veiller sur l'enfant de la maison. Enfin, je captivai si bien ma maîtresse qu'elle m'offrit en mariage sa nièce, riche et belle, si je voulais abjurer et embrasser la religion musulmane. Je refusai cette proposition en répondant avec galanterie que je n'aurais pas montré tant de fermeté si elle-même eût été le prix de ma conversion. Malheureusement pour moi, je n'appartenais pas à mon maître seul. Parmi ses associés, un certain Ben Ahmet commença à s'informer plus exactement des moyens pris pour tirer parti de la propriété commune, et sachant à quoi se bornait mon travail, il déclara qu'il saurait bien me rendre plus utile si j'étais remis entre ses mains. Marachi accepta la proposition, et je sentis bientôt de fâcheux effets de ce changement. On me donnait du pain noir pour toute nourriture, et la nuit, on me renfermait dans le Masmora, ou cachot, lieu si affreux que les plus tristes prisons de l'Europe eussent paru des palais en comparaison. C'étaient de vrais silos, creusés sous terre, de 4 ou 5 toises de diamètre. Ils étaient de forme circulaire et recevaient l'air par une seule petite ouverture pratiquée au sommet et fermée par une trappe de fer. On faisait descendre les esclaves dans ce trou par une échelle de corde, puis on les rangeait en cercle, la tête au mur, les pieds au centre. Lorsque le cachot s'échauffait et que l'humidité commençait à s'exhaler, l'atmosphère devenait intolérable. On nous occupait principalement à des travaux de maçonnerie, sans nous laisser un moment de repos, même pour manger. Mais on nous forçait à travailler d'une main pendant que nous tenions notre pain noir de l'autre. Le moindre instant de retard était puni d'une grêle de coups de bâton. Et si nous nous plaignions de quelque douleur, on nous administrait un remède aussi efficace qu'il était peu coûteux. On faisait rougir une barre de fer qu'on appliquait sur la partie malade. On devine aisément que la plupart de mes compagnons aimaient mieux, ainsi que moi, souffrir sans se plaindre. Une pareille situation me força à changer mes premières déclarations, ainsi que Ahmed l'avait prévu. J'offris successivement pour ma rançon 400, 500 et 600 dollars qui furent acceptés. J'écrivis donc, mais les communications avec l'Europe étaient si difficiles que je n'obtins pas de réponse. À cette époque, l'empereur Mulet manda mon maître à Fès. Celui-ci, soupçonnant que cet ordre ne lui présageait rien de bon, devint plus farouche encore et déchargea sa colère sur ses esclaves, dont plusieurs, parmi lesquels je me trouvais, faillirent mourir sous ses coups. Il les emmena avec lui à Fès, et quoique suspect de trahison, il obtint son pardon de l'empereur, ce qui ne l'empêcha pas, peu après, de s'engager dans la révolte de Mulet Ahmed, qui fut vaincu. Après la défaite des rebelles, tous leurs esclaves furent confisqués au profit de l'empereur. Je suivis mes compagnons d'infortune à Mekinès, où ma condition devint pire que jamais. Le gardien de notre prison, noir d'une stature prodigieuse, d'un aspect effroyable, et dont la voix ressemblait au hurlement de Cerbère, tenait un bâton proportionné à sa taille gigantesque et dont il salua chacun de nous à notre entrée en prison. À la moindre négligence, au moindre signe de fatigue, il nous accablait de coups, et s'il s'absentait, il laissait auprès des malheureux esclaves des gardiens qui, jaloux de prouver leurs ailes, se montraient plus féroces que lui et justifiaient à son retour leur cruauté par des rapports toujours bien accueillis. À la voix du terrible noir, les appelant au travail dès l'aube du jour, les esclaves, exténués de fatigue, retrouvaient de la force et se disputaient à qui paraîtrait le premier, sachant bien que le dernier venu sentirait le poids du terrible bâton. Un jour, voyant passer le sultan, nous nous précipitâmes à ses pieds en lui montrant nos blessures toutes sanglantes. Le monarque laissa voir quelques signes de compassion, mais ne donna aucun ordre. Furieux de cette démarche, notre tyran redoubla ses mauvais traitements et ne fit trêve à sa rage qu'après avoir fait périr une vingtaine de mes compagnons sous ses coups. Les survivants ne lui auraient pas échappé longtemps si la peste n'était venue à notre aide. Ce terrible fléau exerça d'abord ses ravages sur Mekinès, moissonna une partie des habitants et nous débarrassa de notre farouche gardien. Au milieu de la terreur et de la désorganisation générale, nous jouîmes d'un peu plus de liberté et nous en profitâmes pour fabriquer de l'eau-de-vie, des jeux de cartes et des dés dont la vente profitait à nos malades. Enfin, des missionnaires, pères de la Merci, arrivèrent de France en 1681 et payèrent notre rançon. Le sultan Alorégnan était Mulay Ismaël, qui possédait le pouvoir depuis longtemps déjà, devait le conserver 53 ans et l'étendre bien au-delà des frontières de ses prédécesseurs, au-delà même du désert, jusqu'à Tombouctou, sur les bords du Niger. Il n'était arrivé au trône des shérifs qu'en détrônant et mettant à mort son neveu Mulay Ahmed. La cruauté de son caractère produisit des effets salutaires. Les lois furent exécutées, les routes purgées des brigands, et le royaume jouit sous sa domination d'une tranquillité parfaite. Malheureusement, il s'abandonna à tous les caprices de sa cruauté. Une garde de 800 nègres dévoués à toutes ses volontés étaient les instruments de ses fureurs sanguinaires. Il éprouvait d'abord ses hommes par les plus cruels traitements. Quelquefois, il en faisait tomber à ses pieds 40 ou 50 baignés dans leur sang. À la moindre plainte, à la moindre marque de douleur, on était déclaré indigne d'être attaché à la personne de l'empereur. Ces nègres, exécuteurs aveugles des cruautés du prince des shérifs, ressemblaient à des démons acharnés au supplice des damnés. L'empereur lui-même se plaisait à trancher d'un coup de sabre la tête des malheureux voués à son capricieux ressentiment. Souvent, il les tuait d'un seul coup de lance, arme qu'il maniait avec une adresse extraordinaire, laissant, à la vérité, rarement sa main sans exercice. Lorsqu'il paraissait en public, on examinait avec inquiétude sa physionomie, ses gestes et surtout la couleur de ses vêtements, le jaune annonçant presque toujours quelque meurtre. S'il tuait quelqu'un par méprise, il disait que son heure était venue, que telle était la volonté de Dieu. De terribles remords le poursuivaient cependant. Souvent, il s'éveillait en appelant ses victimes. Quelquefois, il voulait voir les personnes qu'il avait tuées la veille, et apprenant leur mort, demandait avec émotion qui les avait fait tuer. « Nous ne savons, c'est Dieu sans doute, » lui répondait-on. L'empereur ne poussait pas ses informations plus loin. La perte qui lui fut le plus sensible fut celle de Hameda, le fils du chef des esclaves. Ce jeune homme, courageux, gai, spirituel, était devenu cher à l'empereur. Ce qui n'empêcha pas celui-ci, dans un moment de colère, de frapper l'infortuné Hameda avec tant de violence qu'il mourut des suites de ses blessures. Mulay Ismaël se livra aux plus amers regrets, et souvent, quand il était seul, il répétait le nom d'Hameda. Shérif des shérifs, il affichait naturellement une grande dévotion, et prétendait expliquer parfaitement la loi de Mahomet. Son plus grand plaisir était de faire construire et de faire démolir tour à tour. Il justifiait ce goût singulier par la nécessité où il se trouvait d'occuper ses sujets pour s'assurer de leur soumission. Des rats enfermés dans un sac le perceraient bientôt, disait-il, si on ne les agitait sans cesse. Un épisode de la vie de ce terrible porte-couronne, épisode oublié sans doute aujourd'hui, est l'admiration poétique qu'il conçut sur de simples oui-dire pour la beauté d'une fille de Louis XIV et de Mademoiselle de la Vallière, Mademoiselle de Blois, qui devint plus tard princesse de Conti, admiration qui le poussa jusqu'à demander en mariage celle qui en était l'objet. La demande ne fut pas agréée, mais le roi des rois chrétiens fit une réponse très gracieuse à son collègue africain, alléguant la différence des religions comme le seul obstacle qui l'empêchait de condescendre au bonheur du shérif des shérifs.